Wal wal. Wal wal. Faut balancer pour tous les vinylistes. La la musique. Faut balancer pour un Zeta District. Oh la la musique. La densité, la densité. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. La densité, la densité. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. Je viens te parler, oui, de mon trip à London. Je viens te parler, oui, de mon trip à London. Ça commence au terminus du métro Victoria, dans un quartier où historiquement on ne traînait pas. Je reprends mon sujet, sinon je vais m'égarer, partir dans tous les sens et encore m'embrouiller. Donc je viens te parler, oui, de mon trip à London. Je viens te parler, oui, de mon trip à London. Ça commence dans le quartier que l'on appelle Brixton, dans un shop de vinyle que l'on appelle Superton. Je check direct les bacs, ça me rend aigri. En 20 minutes à peine, oui, j'ai déjà fait mon tri. Quasiment que du stepper et quelques fresh aussi. J'ai quand même déniché un Wikidaddy Freddy. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime marquer un stop. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. Je vais voir le vendeur avec ma mine des mauvais jours. J'enchaîne direct avec une liste de 45 tours. Dans ce genre de moment, je peux me révéler très lourd. D'autant plus si les personnes s'amusent à me jouer des tours. Ils me prennent de haut et veulent me rendre dingue, mais ne savent pas que j'ai des maxis à faire valer les bilingues. C'est alors que je commence à sortir les arguments. Deux, trois noms de label car je ne suis pas un marrant. Le vendeur entame alors un très grand changement. Il adopte désormais un tout autre comportement. Il me dit hey poupa, if you like what bad dope style. Hey or say do you want dance all style. Comparami, comparami, comparami, comparami. Il me demande donc de venir avec lui. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. Me voilà enfin arrivé dans l'arrière boutique. Le stock n'est pas trié, c'est interdit au public. Ça sent l'humide, le carton, le moisi et le plastique. J'en ai pour un moment, il faut être méthodique. C'est trié à l'arrache, les labels et les années. Mais bordel de merde, tout est mélangé. Les Sunset et les Witty totalement rayés. Les Kangal et les Vena complètement cassés. Des maxis de malades alignés sans pochette. Les étagères qui partent entièrement en sucette. J'ai l'impression que tout va me tomber sur la tête. J'embarque les deux trois perles que j'ai trouvées. Je suis tout de même un peu dépité. Moi qui pensais que le pot s'y saignerait du nez. Je sors la thune et je tente quand même de négocier. J'embarque les scots sous bras, il est temps de me sauver. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime chiller dans les shops. London City, London City. Voilà le genre de ville où j'aime bien marquer un stop. London City. Faut balancer sur le maquis. Faut balancer pour tous les vinyles.